تصل من المطار إلى السكنك. أصل بالحافلة. ثانيا. عندي سؤال. Pourquoi là le verbe là il est au présent là? Comme. Le fiel il est au modalier là. Et là c'est quoi le sens de la question en fait? C'est avec quoi tu t'es rendu? Non, c'est au modalier. Avec quoi tu te rends de l'aéroport à ta maison? Par quel moyen? ثانيا كم تكلف رحلة من المطار إلى السكن؟ تكلفها غالي جدا. غالي. شير. شير. Je l'ai payé cher. C'est ça non? لا. La phrase n'est pas correcte. Je l'ai rien. Attends. C'est bien. Combien tu as payé le voyage de la... Combien coûte? Combien? Ah ouais. Combien t'as coûté, du moins? Ouais, bah, j'ai dit, ou qu'elle lui faut, hein, toi, tu dis, qu'elle l'a fait ni. T'es pas sujet, toi. Le sujet, c'est rihala. T'as confondu entre le sujet et le mafoulbi. Pourquoi il y a un ta, là? Parce que le rihala, c'est le sujet, c'est le fa'il. Et rihala, l'endomma, c'est le fa'il. Combien t'as coûté? La course, elle m'a coûté tant. Yukalifuni, en fait, c'est ça? Aïe, ouais. Tukalifuni. Tukalifuni. Kam? Kam tukalifuk? $1,000. C'est vraiment, hein? Siltata Ashara Alatu Nagarat. Ça fait? تكلفني ستة عشرة آلاف ريالات. لا تقول ستة عشر. ستة عشر. نعم. ألف. آلاف. لا ألف ومفرد. Ah, c'est un derse des Ahkam al-Adad, ça c'est un autre derse. Mais entre. Le pluriel, il vient que entre 3 et 10, c'est tout. Après, il vient en singulier. Non. Thalifan, bimada, afon, maada, taf'alou ize, kadimta, il est le motor, ou alam, nistakbilka, ahadun. تفضل أجيب حتى هو سأجيب إن شاء الله أجيب أولا جلست وانتظرت وإن طول الوقت قررت الاتصال بالذي استخرج تأشيرتنا. لكن هو قال ماذا تفعل ما قال ماذا فعلت سألك في مضارع فعلت قال ماذا تفعل ما قال ماذا فعلت انا لقد تجلست تقول لا اجلس نعم اولا اجلس وانتظر وان طول الوقت اقرر الاتصال بالذي استخرج تأشيرة. طيب وانت فهمت اقرا الذي كتبته إذا قدمت إليه استقبلني. شكون كتب إكري؟ سامجيكي. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ماذا تفعل إذا قدمت إلى المطار ولم يستقبلك أحد؟ Ah, la question, j'ai traduite. Ça non, mais c'est tout. Taktoum. Ou t'aspel. Est-ce que tu as. Maza, ça veut dire quoi, Maza? Est-ce que tu fais. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque t'es arrivé? Si tu arrives à l'aéroport. Non, mais tu vois, pourquoi là il est au. T'as vu? Pourquoi là il est au. Moi, là. Hein? Parce qu'il dit si tu arrives, mais là c'est si tu es arrivé en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu fais si tu es arrivé? Moi, c'est ça que je comprends. Ben, il veut dire si tu arrives. Qu'est-ce que tu fais si tu arrives à l'aéroport et personne ne te reçoit? Ailleurs? Ah ouais, ok. Anna, après, je dis ce film, après. Tu vas rester longtemps. Ouais, je laisse. طيب ندخل في الوحدة الثالثة. من الموضوع الثاني. بعنوان المواصلات. Qui sont les transports. طيب قال الوصول إلى المكتبة. الوصول كيف كنا بس كتبه دي نعم طيب الكلمة الجديدة غالية غالية في الفمينة دو غالين كيف بدي أخشير شارع شوارع شارع سي لا روي شوارع سي لو بلوريال وسيله ريف سا موين وسيله سا موين مزدهمه على باز مزدهم سي un lieu qui est bondé, plein de gens, il y a la foule. Vous voyez, Mouzdahim, c'est un lieu où il y a de la foule. Et là, le thème à bouton, parce qu'il est au féminin. Darraja, là c'est un vélo. Nawafiz, c'est le gemme de Nafiza, qui veut dire fenêtre. Afdol, c'est meilleur, préférable. Hada afdol min hada, cela est mieux que cela. Kathira, ma'louf, beaucoup. Da'imen, ça veut dire tout le temps, continuellement, toujours. Kurb, ça veut dire proche. Et courbe. Proche par où, proche de toi. Là, il veut un lieu là. On peut-être un temps. Tu dis courbe. Tu me dis ça. Hein? Tu me dis ça, courbe, rapproche-toi. Là, moi je te dis ukrum. Ah. C'est un verbe. Là, c'est pas un verbe. Oui, il veut seulement dire un lion, attends. Mais Qurb, c'est valable pour les mouchements aussi. Non, Karim. طيب مواقف السيارة مواقف الجنب موقف تقول الموقف والتراكيب النحوية والصرفية ونبدأ directement dans le texte إن شاء الله. طيب عندنا طارق ومالك. أنت طارق وأنت مالك. أهلاً يا مالك. Et lui aussi dit pas salam alaykoum. Ah, yeah. Nazib. Hein? Nazib. Ah, il croit, dis ce qu'il y a. Toi, tu vas. Nous, c'est passé salam entre nous, alhamdoulilah. Eux, c'est leur problème. Si après, ils ne s'aiment pas trop, c'est eux qui vont chercher. Hein. Parce que le salam, c'est parmi les causes de l'amour entre les frères. Ahlan ya Malik. Ahlan wa sahlan bi tariq. Non, donc on a dit quoi? Ahlan, c'est une formule de bienvenue. Wa ahlan wa sahlan, pareil. Limaza la tahdhuru ila al-maktabati kull yawm. Eh wa? Pourquoi tu ne te présentes pas? Tu ne viens pas plutôt long dire. Tu ne viens pas à la bibliothèque tous les jours. لا أنا لأنني نعم لأنني أسكن قرب المطار وسيارات الأجرات معي السيارات الأجرات سيارات الأجرات أيوة وسيارة الأجرات غالية نعم. Donc لأنني c'est parce que je. Et ça veut dire, quand on pose une question avec l'imada, tu réponds avec l'iennani, ou l'iennaka, ou l'iennahum, en fonction de la question. Ça va venir, Inch'Allah, dans l'exercice. Donc il dit, parce que j'habite proche de l'aéroport. Donc, tu vois, la courba, c'est proche dans le sens du lieu, pas de la personne. Au sayyara tul ujra, ghaliya. Et les taxis sont chers. Tariq. هناك خطوط كثيرة لها. Pourquoi tu ne viens pas par les bus là-bas? Là, هناك serait plutôt dans le sens là, il y a. Il y a beaucoup de lignes pour les bus. Pour eux. Ouais, pour les bus. إنني لا أعرف من أين أركبها. Je ne sais pas où est-ce qu'il où les monter, c'est-à-dire où les trouver pour monter. من أين أركبها, d'où je dois monter dans les bus. Un caveau, c'est... Je monte ça. Ah, il y a. Ah, ok, bon, non. T'as vu? C'est cool. Dans toutes les rues... Dans chaque rue parmi les rues. Ouais, dans chaque rue parmi les grandes rues, il y a une station pour les bus. Non. Il y a deux stations. Mawaqif. Des stations de bus. Wa hal hunaka wasilatun ujra. Ukhra. Ukhra. فالحافلات دائما مزدحمة. مزدحمة. Ils ont fait une rotation, c'est mouzdahima en fait. Normalement, la kasra, elle est sur le mime. Et la fatha, la kasra, la fatha, elle est sous le ha. Et la fatha, elle est sur le mime. Ils ont fait une erreur de. Donc, ils demandent est-ce qu'il y a un autre moyen. Voici là, on a dit c'est moyen. Et ukhra, c'est le féminin de aha. Voyez. فالحافلة دائما مزدحمة. Car les bus sont toujours bondés, tout le temps remplis. Ukhra, c'est le féminin de akhar. Akhar qui veut dire autre. N'oubliez pas qu'on dit hel unaka, des fois ça veut dire est-ce qu'il y a. Unaka kaza, il y a telle chose, telle chose. يمكنك أن تشتري الدراجات دراجة. هذا أقبل. شكرا شكرا جليل جليلا جزيل شكرا جزيلا إلى إلى اللقاء. Non. On lui dit cela est meilleur. Un grand merci et à la prochaine. En fait, ce serait la prochaine rencontre, mais là on dit à la prochaine. Et pas de salam quand ils se séparent aussi. La ilaha illallah. Je sais pas dans quel état ils sortent tous les lèvres de cette jamia. Les frères sont pas arabophones, je sais pas dans quel état ils sortent. Cette jamia. Je crois, ouais, non. On donne un vol, c'est toujours. En tout cas, la tarbiya, elle est vraiment au revoir. Taïeb. Ma foum et nas. Yakul. Awalen, istamir, waraddid. Donc là, il va vous apprendre une certaine façon de parler en langue arabe. Je ne sais pas si elle est contemporaine ou ancienne, parce que beaucoup de choses là qu'il emploie là, comme on vous a dit, c'est de l'expression orale contemporaine. Vous voyez, le salaf, il ne parlait pas de cette façon. Là, c'est de façon polie et tout, un petit peu qui ressemble à celle du koufar. C'est pour ça que là, le but, c'est surtout de pouvoir connaître du vocabulaire et apprendre à formuler des phrases basiques. Et même parler comme eux, ils font dans le livre, je ne vous conseille pas de le faire. Il dit, « Fi kulli shari' min al-shawari' mawaqif lil-hafilat » Donc, dans chaque rue, parmi les rues, il y a des stations de bus. Fi kulli baladin min al-biladi ma'ahid lid-dirasa. Donc, dans chaque pays, parmi les pays ou contrées, parce que des fois Belad ça peut être contrée, il y a des établissements d'études. Ma'ahid, c'est le terme de ma'ahad. On a dit que c'est un institut, une école, un établissement. On l'a déjà vu, ma'ahad. Il est passé, je crois, auparavant. Salifad. Donc dans chaque livre parmi les livres, il y a des cours pour la lecture. Rabi'an, fi kulli hujratin min hujarat sururun lin-nawm. Donc dans chaque pièce parmi les pièces ou chambre parmi les chambres, il y a des lits pour dormir. Fi kulli mat'amin min al-mata'im maq'idu lil-julus. Donc dans chaque restaurant, parmi les restaurants, il y a des sièges pour s'asseoir. Maqa'id, c'est le jam de maqa'ad. Qui veut dire place, siège. Où tu t'assois. Sa'adisan. Fi kulli maktabatin min maktabat rufufun il kutub. Donc dans chaque bibliothèque, parmi les bibliothèques, il y a des étagères pour les livres. Rufouf, c'est le diam de Raf, qui est une étagère. Sabian, fi kulli matarin min al matarat salat lil musafirin. Donc dans chaque aéroport, parmi les aéroports, il y a des salles, voyez, pour les passagers, voyageurs. De Maqad. C'est-à-dire le singulier. Pas le singulier, non. Non. Maqad. Ah, c'est Maqad. Tu vas la penser à Ismomeken, c'est un nom de lieu. C'est parmi aussi les noms que tu vas prendre en sarf. Comme on a un verbe, tu prends le nom d'un lieu. Complète comme dans l'exemple. Ils disent

Mais c'est pas tout le monde qui le dit, dans les pays, ils vont pas le dire. Farifan, hel tarkabu as-sayyara, est-ce que tu montes dans la voiture? Naam, arkabu as-sayyara. Hel tarkabu ad-darraja, est-ce que tu montes sur le vélo? L'arkabu ad-darraja. On avait expliqué la différence qu'il y avait entre ma et la. Est-ce que tu peux employer les deux pour vous dire? Est-ce que l'un de vous deux, c'est la différence qu'il y a entre, par exemple, ma akulu ta'am ou la akulu ta'am? Non. La ma akulu ta'am, c'est sur le moment où je ne mange pas, mais là, c'est. Ouais, le temps. Non. Oui, personne. Vous l'avez vu ça? Là, là, c'est dans le kitab Awal, je crois. Ou dans le 2, ils en parlent. Là, mais c'est peu qu'il y ait que la fille d'un. Tu vois même pas l'odeur. Parce que dans le là, je ne sais pas si c'est trompé ou si c'est l'odeur, mais là, Ahdoro, il a un acteur de sa vie, il ne se présente jamais à la bibliothèque. C'est ça? Bah oui, parce que ça coûte cher. Il aurait dit là, Ahdoro. Ça revient au texte, il dit, parce que ça coûte trop cher le taxi, donc il vient pas. Ah non. Un des habituels, c'est pas son habitude de venir, quoi. طيب سادسا اجيب كما في النموذج النموذج يقول هل تفضل القهوه لا افضل القهوه donc là il va vous faire apprendre à utiliser le verbe faddala yufaddilu qui veut dire préférer donc est-ce que tu préfères le café dis je ne préfère pas le café là les questions vous répondez هل تنتظر الحافله est-ce que tu attends le bus. Bah, c'est pas que Afouen, hein. Là, en fait, j'ai dit, c'est pas que tu veux trop de loups. C'est en fait question-réponse. Avec Nam ou Alain. Comme tout précédent. C'est pas spécifique à Faddala. Faddala, c'est juste un exemple comme ça. Nam. Hel tantaziru el hafila. Donc, intazara el taziru, ça veut dire Nam. Donc, est-ce que tu attends le bus? Adil La. La intaziru el hafila. Et nous, en fait, comment on dira? La meilleure façon, c'est comment on dirait? Là. Pour avoir une phrase plus concise. Pour pas faire de répétition. Non. Donc répondez que demi-heure. C'est mieux. Comme ça, on a. Fanien, hel takraou el kitab, est-ce que tu lis le livre? ثالثا هل تشتري الدراجة est-ce que tu achètes le vélo لا أشتريها رابعا هل تغادر المدينة est-ce que tu quittes la ville est-ce qu'elle va de Medina c'est une ville لا أغادرها خامسا هل تسأل الطبيب est-ce que tu interroges le médecin لا أسأله سادسا هل تعرف المكان est-ce que tu connais le lieu لا أعرف سابعا هل تريد السفر est-ce que tu veux voyager là en fait est-ce que tu veux le voyage mais on dirait est-ce que tu veux voyager لا أريد طيب سابعا صل كل كلمات من كلمات المجموعة المجموعة ألف سجل الجروب كتغوري ألف بعكسها من كلمات المجموعة باء كما في النموذج en fait tu lis entre les confrères dans chaque colonne t'as des mots toi dans l'autre colonne opposée tu lis entre les contraires les opposés مثلا مجموعة ألف t'as le قبل Enfin, dans Moujouma, Majmoua Ba, Ba'd, c'est le contraire. Ça n'est pas si. Li, tête de lier. Ah ouais. Et c'est quoi le truc Hein le verbe là. C'est Wafala. Wafala. C'est le même verbe. Wafala. Faire parvenir. Wafala, c'est. Ça a plusieurs sens. Toi, reste pas sur un sens sur un verbe. Un verbe peut être employé de différentes façons. Tu vois. Et normalement, avec le sens de la phrase, tu peux déterminer ce qui veut dire le verbe. Chut. هذا في البيت كذلك. عندي سؤال. نعم. القرب. القرب سيدير لو بلو بروش. القرب. القرب. القرب. J'ai marqué Alif avec Fetha. Là, c'est la proximité. Al-Qurb, c'est Alif Lam, alors il n'y a pas de. Là, tu mets tout seul. Al-Qurb, non. Mais si tu mets en Moudafilei, c'est proche de. Non. Et tout seul, c'est la proximité. Non. Et le. J'ai marqué Khali. Aïn. Khalia. Aïn. C'est le contraire de Khalia, c'est-à-dire vide. Et souvent on entend ils disent Khali, Khali, c'est-à-dire Khali. Ça vient de Khalayu Khali, c'est-à-dire délaissé. D'accord. Donc ça n'a pas sa base là-dedans. Mmh. Khalia. Ça n'a rien à voir avec Khalia. Non, c'est pas le même. Attends, il est où le. Voilà, ça veut dire vide. Vous voyez ? Et quand c'est masculin, on dit khali. Non, khalin. Donc tous les mots là, normalement, on les a pris. Qobl, avant. Dakhil, l'intérieur. Soud, la montée. Akfala, c'est kennasé. Huna, c'est ici. Kathir, beaucoup. Al-Qurb, proximité. Muzdahima, la foule. Al-Buhut, l'atterrissage. Al-Bourd, l'éloignement. Hunaka, là-bas. Qalil, peu. Khalij, extérieur. Khalia, vide. Ba'd, après. Fataha, ouvrir. Ça y est, on a qu'il faut un visuel. فنقول الحمد لله رب العالمين